Unité 2, 1, C. 1. Pourquoi tu apprends le français, Barbara? Parce que mon mari est français et parce que je veux pouvoir parler en français avec sa famille. 2. Et toi, Sandra, pourquoi étudies-tu le français? Pour faire des études en France et pour parler avec mes amis sur Internet. 3. Pourquoi apprenez-vous le français, Monsieur Garcia? Parce que le français est une langue très utile dans mon travail. 4. Et vous, Madame Johansen, pourquoi étudiez-vous le français? C'est plutôt pour partir en vacances en France. Nous avons une maison sur la Côte d'Azur. 5. Et toi, Manuel, pourquoi apprends-tu le français? Surtout pour parler avec mes amis. J'ai beaucoup d'amis français et belges et je veux parler avec eux en français.